Chapitre 22. La bibliothèque. Les semaines qui suivirent furent les plus étranges qu'Ophélie avait jamais vécues. Il ne s'écoulait pas une journée, ou plutôt une nuit, puisqu'il ne faisait jamais jour au clair de lune, sans qu'il prît l'envie à Archibald d'organiser un bal costumé, un grand banquet, une improvisation théâtrale ou quelque excentricité de son invention. Bérénilde mettait un point d'honneur à être de toutes les fêtes. Elle tenait la conversation, souriait, brodait, jouait, dansait, puis, une fois dans l'intimité de sa chambre, elle s'évanouissait de fatigue. Ses défaillances ne duraient guère, Bérénilde se hâtait de se montrer de nouveau en public, plus resplendissante que jamais. « La cour est soumise à la loi du plus fort », répétait-elle à Ophélie dans les rares moments où elles étaient seules. Montrez un signe de faiblesse devant les autres, et demain, toutes les gazettes ne parleront plus que de votre déchéance. » Tout cela était bien joli, mais Ophélie devait désormais vivre au même rythme qu'elle. Chaque salle du clair de lune possédait son horloge à domesticité, ce petit dispositif où il suffisait de régler les aiguilles sur la bonne chambre du dortoir pour solliciter son valet depuis n'importe quel endroit du château. Le panneau à clochette du 6 rue des Bains sonnait à toute heure, ne laissant aucun répit à Ophélie, tant et si bien qu'il lui arriva une fois de s'endormir en servant le thé. Bérénilde était épuisante à satisfaire. Elle réclamait des pains de glace, des biscuits au gingembre, du tabac à la menthe, un repose-pied à la bonne hauteur, des coussins sans plumes, et c'était ensuite à Ophélie de se débrouiller pour trouver le nécessaire. Elle soupçonnait Bérénilde de profiter de la situation, mais le sort de sa tante, contrainte à la passivité des dames de compagnie, ne lui faisait pas plus envie. D'ailleurs, Archibald ordonnait parfois de longues séances d'oisiveté. Ses invités étaient alors tenus de rester assis, sans rien faire d'autre que fumer. Ceux qui lisaient ou parlaient à voix basse pour tromper l'ennui étaient très mal considérés au cours de ces séances. Ophélie les aurait bénis si elle n'avait été obligée de rester auprès de Bérénilde, debout dans les vapeurs d'opium. Néanmoins, le problème le plus difficile à résoudre pour Ophélie, ce furent les toilettes. En tant que valet, elle n'avait pas accès aux commodités pour femmes. Quant à celle des hommes, elle manquait cruellement d'intimité. Ophélie devait guetter les occasions où il n'y avait personne, et elles étaient rares. L'entretien de ses effets personnels ne fut pas une tâche facile non plus. Ophélie pouvait porter ses chemises, ses mouchoirs, ses pantalons et ses bas de chausses à la buanderie, mais elle n'avait pas de livret de rechange, et sans livret, elle n'était plus mime. Elle devait donc la laver elle-même dans sa bassine de chambre et l'endosser avant qu'elle ne fût sèche. Elle était si souvent enrhumée que Renard lui-même finit par compatir. « C'est pitié de t'avoir refilé un coin aussi humide, gamin !» soupira-t-il en voyant Ophélie se moucher en plein service. « File-moi un sablier de plus, et je m'arrange avec la Gaëlle, pour qu'elle te relie au calorifère. » C'était vite dit. Depuis qu'Ophélie travaillait pour Bérénilde, elle n'avait jamais obtenu le moindre congé. Il fallait reconnaître qu'à force de casser les plats en faïence d'Archibald, elle ne pouvait pas non plus espérer d'elle un traitement de faveur. Heureusement, elle trouva en la grand-mère de Thorne une alliée précieuse. Ce fut elle qui lui remit son tout premier sablier vert, pour la remercier de lui avoir apporté un châle. Alors qu'Ophélie cherchait une tabatière, elle croisa Renard qui, de son côté, allait servir sa tisane à Dame Clotilde. Elle en profita pour lui remettre son pourboire. « Félicitations, bonhomme !» jubila-t-il en l'empochant aussitôt. « Chose promise, chose due. Je vais t'enseigner ta première leçon. » Il lui signala discrètement des yeux les gendarmes postés dans le corridor. « Ces messieurs ne sont pas là pour le décorum, » chuchota-t-il très bas. « Ils assurent la sécurité de la famille et des invités. Ils possèdent chacun un sablier blanc. Allez simple pour les oubliettes. Égare une seule fois ta clé et le moindre geste déplacé, mon gars, et ils te tomberont dessus à bras raccourcis. » Le jour même, Ophélie se procura une chaîne pour toujours avoir sa clé autour du cou. Elle se faisait contrôler chaque matin. Elle ne voulait plus prendre aucun risque. Somme toute, ces mesures étaient compréhensibles. Archibald offrait l'asile aux nobles qui craignaient pour leur vie, les ministres en vue, les favorites jalousées. Ophélie se rendit d'ailleurs compte que personne ici ne s'appréciait vraiment. Les mirages voyaient la présence de Bérénilde parmi eux d'un mauvais œil, mais il se défiait aussi d'Archibald et de ses sœurs, entre les mains desquelles il remettait leur vie. On se souriait beaucoup, mais les regards étaient équivoques, les phrases ambiguës, le fond de l'air envenimé. Personne ne faisait confiance à personne, et si tous ces gens s'étourdissaient de fait, c'était pour oublier à quel point ils avaient peur les uns des autres. Celui parmi eux qui déconcertait le plus Ophélie, c'était le petit chevalier. Il était si jeune, si poli, si gauche derrière son épaisse paire de lunettes, qu'il donnait l'impression d'être l'innocence même. Pourtant, il mettait tout le monde mal à l'aise, en particulier Bérénilde, dont il recherchait ardemment la compagnie. Elle lui faisait la conversation sans jamais le regarder dans les yeux. Ophélie ne tarda pas à découvrir de nouveaux visages au clair de lune. Beaucoup de courtisans et de fonctionnaires allaient et venaient, comme s'ils n'étaient que de passage. Ophélie les voyait s'engouffrer à l'intérieur d'ascenseurs placés sous haute surveillance dans la galerie centrale du château. Ils ne redescendaient que quelques jours plus tard. D'autres ne revenaient jamais. Bérénilde se détournait chaque fois qu'elle surprenait quelqu'un en train de monter à bord d'un de ces ascenseurs. Ophélie comprit alors qu'il menait à la tour de Farouk. Interloquée, elle étudia attentivement l'ambassade depuis les jardins. Le château avait toutes les apparences d'un espace parfaitement délimité, avec des toitures et des poivrières normales sous la nuit étoilée. Et pourtant, certains de ces ascenseurs s'élevaient au-delà du ciel, vers un monde invisible. « Leçon numéro 2 !» dit Renard, quand Ophélie put lui remettre un autre sablier. « Tu auras remarqué que l'architecture ici est extrêmement mouvante. Ne t'attarde jamais dans les salles provisoires si tu n'y vois plus personne. La mairie de garde a déjà effacé des pièces alors que des camarades s'y trouvaient encore. » Ophélie en frissonna d'horreur. Elle n'avait encore jamais rencontré la mairie de garde, mais, à force d'entendre parler d'elle, elle commençait à mieux la connaître. Cette île de garde était une architecte étrangère. Elle venait d'une arche lointaine et peu connue, Arcanterre, où les gens jouaient avec la spatialité comme avec un élastique. Ophélie avait fini par comprendre que ce n'étaient pas les illusions des mirages qui déformaient les lois de la physique dans la Cité-Ciel. C'était le prodigieux pouvoir de la mère île de garde. Si les chambres du clair de lune étaient plus sûres que des coffres-forts, c'était parce que chaque tour de clé les enfermait dans un espace clos, c'est-à-dire coupé du reste du monde, absolument inviolable. Ophélie se procura du papier, un crayon, et obligea Renard à lui dessiner une carte des lieux pendant leur petit déjeuner à l'office. Elle était fatiguée de se perdre dans les absurdités de cet espace. Combien d'escaliers menaient vers des destinations impossibles? Combien de salles possédaient des fenêtres alors que ce n'était pas logique? « Oula, tu m'en demandes trop !» protesta Renard en grattant sa crinière rousse. « Essaie donc de faire tenir sur une feuille des salles qui contiennent plus de place qu'elles ne devraient. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ophélie martelait de son crayon un petit couloir auquel elle ne comprenait rien à rien. « Ça ?» dit Renard. « C'est ce qu'on appelle une rose des vents. T'en as jamais vu? Il y en a plein par ici. » Il prit le crayon et dessina de grandes flèches qui partaient dans tous les sens. « Avec cette rose des vents, tu as un raccourci vers les jardins côté cascade, un raccourci vers la grande salle à manger, un raccourci vers le fumoir des hommes et une porte normale qui donne sur le couloir de service. L'astuce, conclut-il, c'est de retenir les couleurs des portes. Tu saisis le principe ? » Tandis qu'elle contemplait son ébauche de plan, Ophélie comprit surtout qu'elle allait devoir faire travailler sa mémoire plutôt que son sens de l'orientation. Elle aurait aimé demander à Renard où se trouvait cette fameuse mère île de garde dont il lui rebattait les oreilles, mais hélas, un muet ne pose pas de questions. Cela ne l'empêchait pas d'apprendre beaucoup à son contact, bien plus en tout cas qu'avec Thorn et Bérénilde. Au fil des repas pris ensemble, Renard se montrait de plus en plus bavard avec Mime, et il le conseillait parfois sans avoir reçu de sablier en retour. « Gamin, tu ne peux surtout pas faire le même salut à un duc et à un baron, même s'ils appartiennent à la même famille. Avec l'un, tu te penches jusqu'à pouvoir contempler tes rotules. Avec l'autre, une simple inclination de tête suffit. » Ophélie commençait à s'y retrouver parmi tous ces aristocrates. Elle allait jusqu'à maîtriser la préséance et ses nombreuses exceptions. Les titres correspondaient soit à des fiefs que possédaient les nobles dans la Cité-Ciel ou dans les provinces du pôle, soit à des charges honorifiques, soit à des privilèges accordés par Farouk. Parfois, aux trois en même temps. « Tous des incompétents notoires !» s'emporta Gaël. « Ça vous épingle de faux soleils dans de faux ciels, et c'est incapable de vous réparer une chaudière !» Ophélie faillit s'étrangler avec sa potée de lentilles, et Renard haussa ses grosses touffes de sourcils. D'habitude, la mécanicienne ne se mêlait pas de leurs affaires, mais cette fois-là, elle s'était invitée à leur souper. Elle poussa Renard sur le banc, planta ses coudes sur la table et darda sur Ophélie son œil bleu électrique. Ses cheveux couleur nuit coupés courts et son monocle noir lui avalaient la moitié du visage. « Toi, ça fait un moment que je t'observe et je dois dire que tu m'intrigues. Derrière tes airs de ne pas y toucher, tu te renseignes sur tout et sur tout le monde. Tu serais pas un peu espion dans ton genre ?» Gaël avait appuyé sur son « espion » avec une ironie qui mit Ophélie mal à l'aise. Cette femme, aux manières brusques, avait-elle l'intention de la dénoncer aux gendarmes d'Archibald ?« Tu vois toujours le mal partout, ma belle !» intervint Renard, sourire en coin. « Ce pauvre bonhomme n'a rien vu d'autre que le petit manoir de sa maîtresse. C'est normal qu'il soit dépaysé. Et puis, ne te mêle donc pas de ce que je lui raconte. C'est un marché entre lui et moi. » Gaël ne lui accorda aucun intérêt. Elle resta concentrée sur Ophélie qui essayait de mastiquer ses lentilles le plus innocemment possible. « Je ne sais pas trop, » maugréa-t-elle enfin. « Le fait est que tu m'intrigues. » Elle claqua sa main sur la table pour souligner sa phrase et se leva aussi brutalement qu'elle s'était assise. « Je n'aime pas ça, » avoua Renard d'un air dépité quand Gaël fut parti. « On dirait que tu lui as vraiment tapé dans l'œil. Des années que je la convoite, moi. « Cette femme-là. » Ophélie termina son assiette un peu inquiète. En jouant le rôle de mime, elle n'était pas censée trop attirer l'attention. Elle repensa par la suite à l'opinion que Gaël se faisait des nobles. Dans ce monde, les domestiques avaient bien peu de valeur. Ils n'appartenaient pas à la descendance de Farouk et venaient du peuple des sans-pouvoirs. Ils devaient donc compenser avec leurs mains ce qu'ils ne pouvaient apporter avec leurs dons. Il y avait effectivement de quoi rester pensif. Un mirage qui tricote des illusions vaut donc mieux que ceux qui nettoient son linge et préparent ses repas. Plus Ophélie côtoyait la société du pôle, plus elle déchantait. Elle était venue ici en espérant trouver des gens de confiance. Elle ne voyait autour d'elle que de grands enfants capricieux, à commencer par le maître de maison. Ophélie ne comprenait tout simplement pas comment la charge d'ambassadeur avait pu revenir à un homme aussi désinvolte et provocateur. Archibald ne se peignait jamais, se rasait à peine, arborait des trous à chaque gant, chaque redingote, chaque chapeau, sans que rien pût porter atteinte à sa beauté séraphique. Et cette beauté, il en usait et abusait auprès des dames. Ophélie comprenait mieux pourquoi Thorne et Bérénilde la protégeaient de lui. Archibald avait comme art de vivre de conduire les femmes à l'adultère. Il mettait toutes ses invitées dans son lit, puis il en parlait à leur époux avec une franchise époustouflante. « Vous êtes gras comme un porc !» s'esclaffa-t-il devant le prévôt des marchands. « Prenez garde, votre femme est la plus insatisfaite de toutes celles que j'ai eu le plaisir de visiter. » « Vous semblez porter beaucoup d'intérêt à ma sœur friande, » dit-il doucement au garde des sceaux. « Effleurez-la une fois, et je ferai de vous le mari le plus encorné de toutes les arches. »« Vous arrive-t-il parfois de faire votre travail ?» demanda-t-il au lieutenant de police. « Je le disais à votre femme hier encore, on entre à la citadelle comme dans un moulin. » « Non que ça me déplaise, mais il m'est déjà arrivé de croiser les personnes les plus inattendues là où elles n'auraient jamais dû se trouver. » À ces derniers mots, Ophélie avait bien failli renverser son plateau de pâtisserie sur la robe de Bérénilde. Elle touchait du bois, mais Archibald n'avait jamais encore mentionné leur rencontre. Si la toile avait assisté à la scène à travers lui, comme semblait le croire Thorne, ses sœurs restaient discrètes, elles aussi. S'en souciaient-ils tous comme d'une guigne ou attendaient-ils le bon moment pour glisser un mot à Bérénilde? Ophélie avait l'impression de marcher sur un fil en permanence. Un matin, toutefois, ce fut à son tour de percer les petits secrets d'Archibald. C'était au cours d'une de ces rares accalmies où les invités cuvaient l'ivresse de la dernière fête et où le métronome du clair de lune ne s'était pas encore remis en mouvement. À part un homme qui errait dans les corridors comme un somnambule, l'œil vitreux, seuls quelques domestiques remettaient de l'ordre au rez-de-chaussée. Ophélie était descendue pour chercher un recueil de poèmes que Bérénilde, soumise aux caprices étranges des femmes enceintes, lui réclamait de toute urgence. Quand elle ouvrit la porte de la bibliothèque, Ophélie se demanda d'abord si ses lunettes ne lui jouaient pas des tours. Il n'y avait plus ni fauteuil rose, ni lustre en cristal. Ça sentait la poussière, le mobilier était agencé différemment, et lorsqu'elle regarda les étagères, elle ne reconnut pas les livres habituels. Disparues les œuvres libertines, disparues les philosophies du plaisir, disparues les poèmes sentimentaux. Il n'y avait là que des dictionnaires spécialisés, d'étranges encyclopédies et surtout une collection impressionnante d'études de linguistique. Sémiotique, phonématique, cryptanalyse, typologie des langues. Que faisait une littérature aussi sérieuse chez le frivole Archibald ? Piquée de curiosité, Ophélie se mit à feuilleter un livre au hasard, du temps où nos ancêtres parlaient plusieurs langues. Mais il faillit lui échapper des mains quand elle entendit la voix d'Archibald dans son dos. « Cette lecture vous inspire-t-elle ? » Ophélie se retourna et soupira de soulagement. Ce n'était pas à elle qu'on s'adressait. Elle ne les avait pas aperçus en entrant, mais Archibald et un autre homme se tenaient au fond de la pièce, penchés sur un lutrin de bois. De toute évidence, ils ne l'avaient pas remarqué non plus. « Assurément, c'est une reproduction remarquable !» commenta l'homme qui accompagnait Archibald. « Si je n'avais pas été expert, j'aurais juré avoir affaire à un original !» Il s'exprimait avec un accent qu'Ophélie n'avait jamais entendu encore. Abritée derrière un rayonnage, elle n'était pas très certaine d'avoir le droit d'être ici, mais elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la dérobée. L'étranger était si petit qu'il devait se tenir sur un escabeau pour arriver à la hauteur du lutrin. « Si vous n'aviez pas été expert, » répondit Archibald d'un ton nonchalant, « je ne me serais pas offert vos services. »« Où se trouve l'original, signor ?»« Seul Farouk le sait. » Contentons-nous de cette copie pour l'instant. Ce dont je dois d'abord m'assurer, c'est que cette traduction est dans vos cordes. Notre Seigneur m'a officiellement chargé de la soumettre à toutes mes relations, mais il perd patience, et j'abrite sous mon toit une concurrente qui cherche à me doubler. Je suis assez pressé, donc. Allons, allons, ricana l'étranger de sa petite voix fluette. Je suis peut-être le meilleur. « N'attendez pas de moi des miracles. Personne, à ce jour, n'a jamais déchiffré le livre d'un esprit de famille. Ce que je peux vous proposer, c'est une étude statistique de toutes les particularités de ce document. Le nombre de signes, la fréquence de chacun d'entre eux, la taille des espacements. Je pourrais procéder ensuite à une étude comparative avec les autres reproductions dont je suis l'heureux propriétaire. » « Et c'est tout. Vous traversez le monde à mes frais ?» pour m'apprendre ce que je sais déjà. » Le ton d'Archibald ne trahissait aucun agacement, mais il y avait quelque chose dans sa prononciation doucereuse qui parut mettre l'étranger mal à l'aise. « Pardonnez-moi, signor, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ce que je peux vous affirmer, c'est que plus nous comparons, plus les statistiques générales gagnent en précision. » Peut-être nous sera-t-il possible un jour de faire jaillir un peu de logique dans le chaos de cet alphabet. Et l'on vous dépeint comme le meilleur de votre discipline, soupira Archibald d'un ton navré. Nous nous faisons perdre mutuellement du temps, monsieur. Permettez-moi de vous raccompagner. Ophélie se dissimula derrière un buste en marbre, tandis que les deux hommes quittaient la bibliothèque. Dès qu'ils fermèrent la porte, elle se dirigea sur la pointe des pieds vers le lutrin. Un immense livre reposait là. Il ressemblait à s'y méprendre à celui des archives d'Artémis. Du bout de ses gants de liseuse, Ophélie tourna précautionneusement les pages. C'étaient les mêmes arabesques énigmatiques, la même histoire muette, la même texture de peau. L'expert avait raison, cette reproduction était un petit chef-d'œuvre. Il existait donc d'autres livres à travers les arches. À en croire ce petit étranger, Chaque esprit de famille en possédait un exemplaire, et, à en croire Archibald, le seigneur Farouk brûlait de déchiffrer le sien. Troublée, Ophélie fut saisie d'un pressentiment. Les pièces d'un étourdissant puzzle se mettaient en place dans son esprit. Cette concurrente, signalée par Archibald, elle eut la conviction qu'il s'agissait de Bérénilde. Ce n'était ni le lieu ni l'heure pour réfléchir, toutefois. Son instinct lui soufflait qu'elle n'aurait pas dû entendre ce qu'elle avait entendu. Mieux valait éviter de traîner dans les parages. Ophélie fila vers la porte. Quand elle ne parvint pas à tourner la poignée, elle comprit qu'elle s'était laissée enfermer. Elle chercha des yeux une fenêtre, une porte de service, mais cette bibliothèque-là ne ressemblait en rien à celle qu'elle connaissait. Il n'y avait pas même de cheminée. La seule source de lumière venait du plafond, où une illusion, plutôt réussie au demeurant, imitait le lever du soleil sur la mer. Ophélie entendit les battements de son propre cœur et réalisa soudain que le silence qui régnait ici était anormal. Les activités des domestiques ne lui parvenaient plus à travers les murs. Inquiète, elle finit par frapper à la porte pour se manifester. Ses coups ne produisirent pas le moindre son, à croire qu'elle tapait dans un oreiller. Une salle double. Renard lui avait déjà parlé de ces pièces qui superposaient deux lieux dans un même espace. Seul Archibald possédait la clé qui donnait accès à chacun. Ophélie était prise au piège dans le doublon de la bibliothèque. Elle s'assit sur une chaise et mit de l'ordre dans ses pensées. Forcer la porte? Elle ne menait nulle part. Une partie était là, l'autre ne l'était plus, et on ne peut pas agir sur ce qui n'existe pas. Attendre le retour d'Archibald? S'il ne revenait pas avant des semaines, ça promettait d'être long. Je dois trouver un miroir, décida alors Ophélie en se levant. Malheureusement pour elle, cette bibliothèque ne possédait pas la vanité des autres salles du clair de lune. Elle ne cherchait ni à plaire au regard, ni à jouer avec la lumière. Et dénicher une glace au milieu des livres savants allait être un tour de force. Il y avait bien des miroirs de poche sur les étagères destinés à déchiffrer des textes à l'envers, mais Ophélie n'y aurait pas entré la main. Elle repéra finalement un plateau argenté où étaient entreposées des bouteilles d'encre. Elle le débarrassa et l'astiqua avec un mouchoir jusqu'à pouvoir se refléter dedans. Il était étroit. Ça ferait l'affaire, néanmoins. Ophélie l'appuya contre une échelle de bibliothèque. Archibald ne manquerait pas de s'interroger quand il verrait ce plateau à un endroit aussi incongru, mais elle n'avait pas le choix. Agenouillée sur le tapis, Ophélie se représenta mentalement sa chambre de dortoir et plongea tête baissée dans le plateau. Son nez se tordit, ses lunettes crissèrent et son front résonna comme un gong. Sonnée, elle contempla le visage inexpressif de Mime en face d'elle. Le passage n'avait pas marché. Passer les miroirs, ça demande de s'affronter soi-même, avait dit le grand-oncle. Ceux qui se voilent la face, ceux qui se mentent à eux-mêmes, ceux qui se voient mieux qu'ils sont, ils pourront jamais. Ophélie comprit pourquoi le miroir l'avait rejetée. Elle portait le visage de Mime et jouait un autre rôle que le sien. Elle déboutonna sa livrée, puis affronta en face son bon vieux reflet. Elle avait le nez rouge et les lunettes tordues à cause du choc. Ça lui fit drôle de retrouver sa mine étourdie, son chignon raté, sa bouche timide, ses yeux cernés. Ce visage était peut-être un peu brouillon, mais au moins, c'était le sien. La livrée de Mime sous le bras, Ophélie put cette fois traverser le plateau. Elle se réceptionna maladroitement sur le sol de sa chambre, au 6 rue des Bains, et se hâta de remettre son uniforme. Ses mains tremblaient comme des feuilles. Elle l'avait vraiment échappé belle, cette fois. Quand elle remonta dans la chambre de Bérénilde au dernier étage du château, celle-ci l'accueillit d'un regard impatient depuis sa baignoire. « Tout de même, j'ai dû envoyer Roselyne à ta recherche, et je me retrouve sans personnel pour m'apprêter. Ne me dis pas que tu as oublié mon recueil de poèmes par-dessus le marché. » s'agaça-t-elle en voyant Mime revenir les mains vides. Ophélie vérifia d'un coup d'œil qu'il n'y avait personne d'autre dans les appartements et donna un tour de clé à la porte. L'entêtant phonographe de l'antichambre voisine ne se fit plus entendre. Ophélie et Bérénilde avaient été transportées dans un espace différent. « Que suis-je pour vous ?» demanda alors Ophélie d'une voix sourde. La colère de Bérénilde retomba aussitôt. Elle étendit ses beaux bras tatoués sur la bordure de la baignoire. « Plaît-il ? Je ne suis pas riche, je ne suis pas puissante, je ne suis pas belle, et je ne suis pas aimée de votre neveu, » énuméra Ophélie. « Pourquoi l'avoir forcé à m'épouser, moi, alors que ma seule présence vous cause tant d'ennuis ?» Passé l'instant de stupéfaction, Bérénile éclata d'un rire musical. L'eau moussante clapota sur la porcelaine de la baignoire aussi longtemps que dura son hilarité. « Quelle tragédie est en train de se jouer dans votre tête ! Je vous ai choisi par hasard, ma chère petite. Cela aurait pu aussi bien être votre voisine. Cessez donc de faire l'enfant et aidez-moi à me relever. Cette eau devient glaciale. » Ophélie eut alors la certitude qu'elle lui mentait. Hasard n'appartenait pas au vocabulaire de la cour. Le seigneur Farouk était en train de chercher un expert pour percer le secret de son livre, et si Bérénilde pensait l'avoir enfin trouvé...